passion sur l'écorce fine se dessine, assigne les souvenirs déchus. Ça glisse, les yeux se plissent, piquant, brûlant sans faux semblant.